Si l'habit ne fait pas le moine, le mot ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel-Joseph Sieyès, député du tiers-état, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ces mots à l'Assemblée nationale, né 3 mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions? Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Assez peu. Loi, peuple, liberté ou encore nation et constitution, voilà les mots vedettes dans les textes de la Révolution française. Ce n'est que loin derrière qu'arrive celui de démocratie. Après, représentant et souveraineté. Et quand on l'utilise, c'est en guise d'épouvantail. Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux États-Unis, être qualifié de « démocrate » est clairement une insulte. Sieyès agite le risque d'une démocratie populaire avec ses mouvements tumultuaires et incertains. L'Américain Elbridge Gerry, l'une des plumes ayant signé la déclaration d'indépendance, s'enflamme. « Les malédictions que nous expérimentons découlent des excès de la démocratie !» Il faut donc imaginer un système qui protège la société d'elle-même, éviter à tout prix cette dangereuse démocratie. L'exemple d'Athènes était bien connu des penseurs politiques de nos chères révolutions. Mais hors de question d'utiliser le tirage au sort, ça c'était bon pour les Grecs. Élisons des représentants. Voilà l'option qui l'emporte. Bienvenue en aristocratie. Eh oui, Montesquieu l'écrit clairement dans son Esprit des lois, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. Placer l'élection au cœur de ces républiques fraîchement nées, c'est acter qu'il existe une élite bien plus capable de s'occuper de la chose politique que les autres. Ça tombe bien, c'est cette même élite qui a choisi cette organisation. Mais d'où vient cette étrange idée d'une assemblée représentant le peuple? Du Moyen Âge. Les premiers états généraux sont convoqués en 1302 par Philippe le Bel, roi de France. Clergé, noblesse et tiers états s'y retrouvent réunis dans un but bien précis, légitimer le roi face au pape Boniface VIII. L'illusion d'une représentation nationale est là, mais déjà aucune trace de démocratie. Quelques siècles plus tard, à l'aube de la Révolution, Sieyès, toujours lui, fait cette remarque. Il ne s'agit parmi nous que de commerce, d'agriculture, de fabrique, etc. Le désir de richesse semble ne faire de tous les états de l'Europe que de vastes ateliers. Pour lui, le peuple souhaite avant tout s'occuper de ses biens privés. La liberté de l'époque est celle de participer à la société commerçante. Le gouvernement représentatif est la solution. Le peuple délègue ainsi la gestion des affaires publiques à des représentants et peut s'occuper de ses affaires privées. La division du travail appliquée aux politiques. Reste un dernier tour de passe-passe. Alors que la démocratie était encore une insulte, certains en ont fait un argument de campagne. Nous sommes en 1828 et Andrew Jackson est élu 7e président des États-Unis. Comment? En étant le premier à se proclamer démocrate. Il se présente ainsi comme le candidat des petites gens face aux élites, récoltant du coup les voix des classes populaires. 15 ans plus tard, tous les autres candidats auront fait de même. Au passage, Jackson amène aussi le parti qui le soutient à changer de nom. Ainsi, le parti républicain devient Parti démocrate. Rien dans les mains, rien dans les poches, du marketing politique avant l'heure. Dans un contexte social bien différent, les pères fondateurs de nos républiques étaient donc ouvertement opposés à la démocratie comme régime politique. Ce qui n'enlève rien à leurs intentions sincères, liberté, égalité, justice. Ce sont d'ailleurs ces élites élues qui ont écrit des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France ou le Bill of Rights américain. Étonnante complexité. Sauf qu'aujourd'hui, le mot démocratie s'est perdu. Il ne désigne plus un système politique, mais un agrégat d'idéaux dont chacun peut se réclamer. Ce mot, devenu sacré, est intouchable. Ne pas se proclamer démocrate est un suicide politique. Affirmer que l'on n'est pas en démocratie est un crime de lèse-majesté. Mais alors, comment réfléchir à des alternatives si l'on ne peut déconstruire le système en place? Il va sans doute falloir sortir de cette impasse pour construire une véritable démocratie. Plusieurs fois, Jean, la personne qui parle dans le micro ouvert, parle du cheval de Troie. Et du coup, j'avais envie de donner quelques petits indices pour comprendre c'était quoi ce cheval de Troie. Alors, c'est un cheval en bois imaginé par Ulysse. Et Ulysse, C'est un personnage principal de l'Odyssée d'Homère et héros de la mythologie grecque. Hein. Et donc, ce cheval de Troie, qui est un cheval en bois imaginé par Ulysse et utilisé lors de la guerre de Troie, l'armée d'Ulysse cherche à envahir la ville et va tendre un piège aux Troyens. Beaucoup de soldats se cachent dans le cheval en bois et font croire que c'était un cadeau pour le roi. Les Troyens font entrer le cheval dans la ville assiégée et la nuit venue, les soldats sortent du cheval et dévastent la ville de Troie. Micro ouvert. Jean tout court, tu préfères rester comme ça, Jean tout court. Il y a Jean qui rit et Jean qui pleure aussi. Et donc on se retrouve au pain quotidien et l'idée c'est de rencontrer Jean parce qu'il représente, je ne sais pas si c'est le bon mot, Agora, on dirait ça comme ça. Aujourd'hui je représente Agora en tout cas, mais je ne suis pas du tout le représentant officiel ou quoi, je suis juste l'un des membres, on va dire, actifs d'Agora, mais ça aurait tout à fait pu être quelqu'un d'autre qui parle aujourd'hui, je ne suis que... J'étais celui qui était disponible et ça me fait vraiment plaisir de participer à cette petite émission radio pour présenter mon collectif. Mais quoi, quand tu dis qu'il n'y a pas de représentant officiel, tu n'as peut-être pas dit ça comme ça, mais quoi, il y a des représentants officiels à Agora ou bien c'est variable? Je pensais plus que c'était variable puisque c'est un peu la démarche d'Agora. Mais on va y un peu expliquer. Hein. Donc si tu sais répondre à ma question, là, est-ce qu'il y a des représentants officiels à Agora? Non, il n'y a pas de représentant officiel. Donc c'est vraiment une organisation qui est super horizontale dans son fonctionnement. Il n'y a pas de hiérarchie ou autre, il n'y a pas de représentant qui va plus passer à la radio qu'un autre. C'est vraiment au niveau des disponibilités de chacun et de l'envie aussi de chacun. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir cette émission aujourd'hui. Au contraire, et j'étais disponible, donc me voilà. Vous êtes combien alors dans comment on appellerait ce collectif, ce groupe? Comment vous appelez, comment vous définissez Agora? On se définit comme étant un collectif citoyen. Et on est, c'est assez difficile d'évaluer le nombre de membres actifs parce que, mais je dirais qu'on est entre 30 et 50 membres actifs et autour de ça gravitent environ 100 membres moins actifs mais des sympathisants et des ambassadeurs, donc des gens qui parlent de notre projet autour de nous. Et on est entre 30 et 50, je dirais, à aller aux différentes réunions. Donc il faut savoir qu'on est divisé en différents groupes de travail. Donc il y a par exemple le groupe communication qui aujourd'hui prend une ampleur toute particulière à l'approche des élections. Il y a le groupe méthodo, donc qui vraiment s'occupe de toute la méthodologie qu'on essaie de mettre en place. C'est-à-dire? Très bien. Ben, rentrons dans le vif du sujet. Ben, en fait, peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce qui nous anime finalement et pourquoi est-ce que ce collectif existe? Ben, c'est qu'on a vraiment envie de repenser la démocratie. Donc on est persuadé que le système actuel et la démocratie actuelle n'en est pas tout à fait une et qu'elle est clairement améliorable. Et donc ce qu'on veut... Et pourquoi vous pensez qu'elle n'est pas tout à fait... Donc il y a différentes problématiques qui peuvent être mises en avant. Je pense tout d'abord, le problème c'est qu'aujourd'hui la démocratie fonctionne uniquement avec des élus. Donc je pense que le suffrage universel c'est quelque chose qui a de la valeur. Et qui devrait sans doute continuer, mais le problème c'est qu'aujourd'hui toute la politique se fait uniquement via suffrage universel et que donc traduction, le suffrage universel, le fait de voter, tout le monde a le droit de voter, c'est ça que ça veut dire? Et le fait que tout le monde a le droit de voter et que on va dire que le pouvoir politique du citoyen il se résume plus ou moins au fait de voter aux élections une fois tous les 4-5 ans pour élire des futurs élus qui vont décider à la place du citoyen. Donc des représentants. Hein. Il y a les représentants et les représentés. Tout à fait. Donc c'est qu'on vote aujourd'hui pour des représentants. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important d'avoir ça. Mais on est persuadé qu'il faudrait compléter ce système par une démocratie qui est beaucoup plus directe et où le citoyen aurait la parole, on va dire, plus régulièrement et avec un petit peu plus de valeur que ça ne l'est aujourd'hui. Parce que le fait qu'il n'y ait que la démocratie représentative aujourd'hui, ça veut dire que les politiciens, finalement, sont des professionnels de la politique. De nouveau, j'ai pas spécialement quelque chose contre le fait que ce soit des professionnels, mais j'ai quelque chose contre le fait qu'il n'y ait que des professionnels de la politique dans le monde politique aujourd'hui. Et ça, Je peux te couper? Est-ce que tu es d'accord? À la base, il y avait aussi le mouvement ouvrier d'avant, c'était pas des professionnels de la politique. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est devenu vraiment une machine de guerre, la politique, où on fait carrière, etc. quoi. Tout à fait, bah c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment... Donc là, je parle vraiment de la situation actuelle. Et il est évident qu'avant, c'était pas la même chose. Donc on parle des mouvements ouvriers maintenant. On peut même aller beaucoup plus en arrière, dans la Grèce antique, où là, ça se faisait par tirage au sort. On va y revenir. Mais tu vois-t-il qu'aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a que des professionnels à la politique, ces gens, et on ne peut pas tellement leur en vouloir, c'est leur boulot, ils ont envie de garder leur boulot. Garder leur boulot, c'est synonyme de se faire réélire aux prochaines élections. Et en fait, ça mène à des décisions qui, de notre point de vue, sont court-termistes. Parce qu'à partir du moment où on veut se faire réélire aux prochaines élections, on veut prendre des décisions qui vont ramener des résultats avant la date butoir des élections. Et donc, a priori, ça mène à des décisions court-termistes. Et je pense qu'en politique, aujourd'hui, on peut clairement se dire qu'il y a beaucoup de prises de décisions politiques qui sont prises à court terme. Et je pense qu'un bon exemple qu'on a aujourd'hui, c'est par exemple avec le climat, où on voit qu'il y a énormément de mobilisation. Mais s'il y a bien une décision qui n'est pas court-termiste et qui est plutôt sur le long terme, c'est des décisions, par exemple, pour la préservation de l'environnement, etc. Revenons à ton groupe alors, on va approfondir, revenons à ton groupe, parce que quand tu dis nous, une trentaine, 50 si je comprends bien, de personnes quoi, des jeunes, des moins jeunes, vous sortez d'école, c'est quoi comment ça se fait que vous vous intéressez à ça en fait, à la politique ? Alors, y a des jeunes, des moins jeunes, on va dire quand même qu'on est, on est dans une tranche d'âge relativement jeune, je dirais, j'ai pas les statistiques devant moi ou autre, mais... Je dirais qu'on est pas mal à être dans la jeune trentaine, fin de vingtaine, jeune trentaine. On a, il y en a quand même pas mal qui ont fait des études ou autres. Et je pense qu'on est tous des jeunes qui avons été à un moment désenchantés de la politique et qui critiquons, on va dire, le système actuel. Donc je vous ai donné des petits éléments de notre critique tout à l'heure. Et on voulait justement... essayer de repenser le système. Nous, on est persuadés que le problème, il est systémique, mais il est aussi idéologique, mais il est systémique, et on a rarement tendance à le souligner, et nous, on a vraiment envie de mettre ça sur le devant de la scène. Mais j'ai perdu mon fil par rapport à ce que tu disais, mais politisé quand même, donc une bande de trentenaires, 20-30, quoi. Comment on dit alors, trentenaires et vingtenaires? Ouais, qui ont la vingtaine. Ouais. Mais quand même politisé, quoi, ça vous intéresse, tu vois, c'est pas comme si on parle, la politique, on s'en fout, ou même pas conscience que, en fait, la politique, mis à part celle des partis et des professionnels, je veux dire, la politique, c'est partout, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on voit, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc vous êtes quand même politisé, quoi, vous êtes... Mais comment ça se fait ça? Déjà juste ça, cette question-là, tiens, comment est-ce que c'est par rapport à vos études, par rapport à votre famille, quoi? Je pense effectivement qu'aujourd'hui, je pense que le fait qu'on soit politisé, ça peut avoir toute une série de raisons, qu'on ait peut-être des parents qui s'intéressent à la politique, qu'on est... Vous êtes tous des enfants de professionnels de la politique, en fait. En tout cas, dans mon cas, absolument pas. Je pense effectivement qu'on est tous des gens qui... on s'intéresse à la politique d'une certaine manière et c'est bien pour ça qu'on s'investit dans ce mouvement. Je veux dire, on est tous bénévoles, ça nous prend un temps qui est quand même vraiment considérable. C'est parce qu'on a envie de faire bouger les choses d'un point de vue politique. Donc oui, on est des gens, nous intéressons à la politique, les membres d'Agora. Oui, mais ça c'est certain, mais comment ça se fait? Est-ce que tu as déjà pu te rendre compte, tiens, au fond, c'est pour mon éducation, mes parents, je sais pas, mais les études que j'ai choisies, c'est parce que j'ai rêvé de changer le monde, c'est parce que le système dans lequel on est, je le trouve pourri. Enfin, tu vois, c'est quoi le moteur de votre agora, quoi? On va dire d'abord personnellement pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la politique. Comme je te l'ai dit, ça peut être vraiment dû au milieu dans lequel on a vécu, des différentes interactions qu'on a eues avec des gens. Et finalement, on s'est tous dit qu'il y avait des problèmes dans le système politique actuel, qu'on a envie d'avoir un monde qui soit plus égalitaire, où les choses se passent mieux qu'elles ne se passent aujourd'hui. Et donc on s'est vraiment dit, mais faisons quelque chose, quoi. faisons quelque chose, parce que je veux dire, c'est bien beau de enfin, moi j'ai toujours beaucoup réfléchi, on va dire, dans mon salon ou à travers des, ou dans les cafés ou quoi, avec mes amis, et là je me suis dit, ben en fait là j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de passer du stade d'avoir des idées à essayer d'en appliquer certaines, et c'est vraiment hyper enrichissant, non seulement dans pour renforcer ces idées ou essayer de les nourrir à travers toute une série de réflexions qui sont dans le concret, en fait. Parce que je m'intéressais beaucoup à des réformes de système, à la politique, à toute une série de niveaux. Mais à partir du moment où on veut faire quelque chose de concret, ben c'est vraiment, ça enrichit vraiment le débat, je pense. Et je sais pas si je réponds un peu à ta question ou pas. Oui, enfin, t'as peut-être du mal aussi à dire toi, tiens, comment ça se fait que tu t'intéresses à la politique, comment c'est venu, si ça tombe, s'il y a des questions que t'as pas envie de répondre, dis-le, parce que moi je suis une, j'y vais, quoi, je me dis tiens, j'ai toujours pas compris, okay, alors dis que t'as pas envie de répondre, non, et on passe à autre chose, mais... Tu comprends, il y a des gens, ben, ils sont révoltés, ils croient plus au système, les gilets jaunes, à la base, il n'y a pas que des révoltés, mais c'est quand même un sentiment de mécontentement qui fait qu'à un moment donné, ils vont dans la rue, quoi, tu vois. Et je me demandais, tiens, votre groupe Agora, hein, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est Agora, c'est quoi un peu le moteur, voilà, qu'est-ce qui... Toi, par exemple... T'as choisi quoi comme étude pour qu'on comprenne un peu ? Moi j'ai fait des études, je suis ingénieur, donc j'ai fait Polytech à l'ULB, donc a priori pas grand chose à voir avec la politique, mais il est clair que je m'y intéressais à côté de mes études et depuis un petit moment. Je pense que ce qui pousse à s'intéresser à la politique, c'est essayer de vivre dans un monde, comme je l'ai dit, qui est meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. On a tous des idéaux au sein d'Agora qui peuvent être tout à fait différents. Donc c'est assez important le fait qu'on ne se définisse pas comme un groupe qui est de gauche ou de droite. On se définit vraiment comme un groupe qui... Comme Macron, là. Non, attention. Ouais, fais gaffe. Comme Macron, là. Non, parce que... Mais à côté de ça, on ne met pas d'idéaux en avant. Si ce n'est avoir une démocratie qui soit plus juste. Mais par exemple, on ne se positionne pas sur toute une série de sujets politiques pour lesquels moi j'ai certains idéaux. Mais on se positionne uniquement sur une réforme du système démocratique actuel. Et le système qu'on essaie de mettre en place, il pourrait tout à fait faire naître des idées qui ne sont pas les miennes ou qui ne sont pas celles d'un autre membre d'Agora. Mais nous, ce qu'on a vraiment envie, c'est d'avoir plus de démocratie. Et c'est quoi la démocratie ? Étymologiquement, c'est le pouvoir qui est au peuple. Et nous, on se bat vraiment pour une plus grande représentativité du citoyen et de la politique. Donc on aimerait bien que les citoyens prennent plus part au débat politique et que les organes de décision politique soient plus représentatifs des citoyens, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc je pense que si on analyse le monde politique aujourd'hui, il est majoritairement peuplé par des hommes qui ont, dans la grande majorité, fait des grandes études et qui, on va dire, c'est souvent le droit par exemple, qui ont souvent fait le droit et qui ont un certain âge. Donc il y en a beaucoup qui ont 50 ans ou plus dans l'ensemble. C'est la tranche d'âge qui est la plus représentée. Tu viens aussi d'une certaine classe sociale, hein, parce que les ouvriers ne sont pas très représentés, ou la femme de ménage non plus. Tout à fait. Et en fait, je pense que c'est un système qui est, enfin, c'est assez facilement compréhensible, entre guillemets. Je pense qu'il est plus difficile de demander instinctivement à quelqu'un qui, j'en sais rien, qui galère pour finir ses fins de mois, qui n'a pas eu un énorme bagage politique durant son enfance ou son adolescence ou autre, il est assez logique qu'elle ne se dise pas « je vais m'engager en politique instinctivement », alors que quelqu'un qui a fait, par exemple, des études de droit qui a une bonne connaissance du système politique, qui a eu toute une série de connaissances et de bagages durant son apprentissage et qui peut se le permettre, qui peut se permettre d'avoir du temps pour s'y occuper, il est logique que ce soit ces personnes-là qui se mettent en premier candidat, entre guillemets, pour faire de la politique. Et on aimerait bien mettre en place dès mécanisme pour mettre des gens qui ne se mettraient pas directement sur le devant de la scène, mais qu'on les mette quand même. Et on va rentrer du coup dans la proposition que vous faites, quoi, hein, Agora. Mais est-ce qu'on peut déjà peut-être décrire le système tel qu'il est maintenant ? C'est-à-dire que tu dis il est antidémocratique, c'est toujours les mêmes au pouvoir. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce que vous proposez de différent ? Et avant de donner la proposition de cette chose différente, peut-être décrire aussi... Faut pas avoir peur de décrire le système comme il est, quoi, pour montrer à quel point c'est compliqué. Bah, le système comme il est, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait d'abord cette histoire de professionnalisation de la politique qui est une première problématique que moi je considère comme étant importante. Le fait qu'il n'y ait que des professionnels dans la politique aujourd'hui, le fait que ces gens-là soient quand même vachement bien rémunérés, donc on peut mettre des chiffres là-dessus. Par exemple, un parlementaire bruxellois aujourd'hui, il gagne aux alentours de 6000 euros net par mois, ce qui est vraiment je pense pas me tromper quand je dis dans les 5% belges les mieux payés. Et ça, ben, forcément, on peut être d'aussi bonne foi qu'on veut et vouloir le plus se mêler aux différents citoyens, on est coupé d'une certaine réalité. Et donc je pense que les politiciens aujourd'hui sont coupés d'une certaine réalité. Et ça, c'est un deuxième constat. Et après, il y a autre chose aussi, c'est le fait que tous les politiciens aujourd'hui, ou presque, on va dire... presque l'intégralité des politiciens sont liés à un parti politique. Et en fait, à partir du moment où on appartient à un parti politique, donc je ne suis pas du tout en train de dire que je suis contre tout le parti politique, mais à partir du moment où tous les politiciens y sont liés, bah, on remarque ça à travers différentes expériences, c'est qu'à partir du moment où on est lié à un parti, bah, on est lié à des idées de notre parti, à une histoire, à un électorat qu'on essaie de satisfaire, etc. À des caisses, je parle financière. Voilà. On peut dire ça aussi, mais même de manière assez saine, on est lié à toute une histoire, à un électorat qu'on essaie de faire. Et donc, on rentre dans un débat politique avec d'autres politiciens, plus pour être convaincant que pour être convaincu. Et donc, on arrive plus dans le but de faire passer ses idées et les idées de son parti, finalement, que dans le but de trouver un compromis qui essaie de satisfaire tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie. Donc là, par exemple, si on a une assemblée citoyenne qui va également avoir un pouvoir politique, ben on voit que dans ces assemblées, ben, à travers différentes expériences qui ont eu lieu à travers le monde, l'Europe, etc., ben, qu'on arrive beaucoup plus souvent à un consensus important, donc à 75-80%, parce que les gens ne viennent pas avec toute une histoire derrière eux, avec tout un système politique derrière eux, etc. Et donc, ils sont beaucoup plus ouverts, finalement, à trouver un compromis. Donc, ça, c'est une autre problématique. Et là, j'ai déjà un petit peu expliqué en quoi le fait d'avoir une assemblée citoyenne, en fait... Donc, peut-être que je vais réexpliquer ça. C'est que moi, en tout cas, comment je vois, et je pense qu'Agora s'aligne tout à fait bien là-dessus, c'est comment je vois la politique, on va dire, dans 10 ans, si jamais tout se passe bien. C'est vraiment avoir des élus, donc comme on l'a aujourd'hui. Donc, on a des élus... par exemple, dans le Parlement bruxellois. Donc des représentants. Voilà. Qu'on ait des représentants. Donc, de nouveau, je sais que je me répète, mais c'est vraiment quelque chose où en général, il faut taper sur le clou. C'est qu'on n'est pas contre tous les élus, mais on est juste pour le fait qu'ils soient complétés avec, en parallèle, une assemblée citoyenne représentative de la population et qui est également en pouvoir politique. C'est ça que vous proposez, c'est cette assemblée citoyenne. C'est ça, hein? Tout à fait, donc c'est ça qu'on essaie de faire, et pour que cette assemblée soit représentative de la population, ben on va procéder par tirage au sort. Donc par tirage au sort, ben, on va dire que c'est assez logique. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on va avoir une assemblée citoyenne d'un certain nombre de personnes, ben on va pas choisir les personnes qui seront dedans. Là, il y aura un biais énorme, et donc on va tirer au sort à travers la population, et on veut qu'elle soit représentative, et donc ça, ben, là il y a deux choix qui se proposent. C'est soit on fait une grande assemblée et on oblige les gens à y aller. Mais... Attends, là, j'ai pas compris. Vous faites une assemblée citoyenne et vous obligez quels gens, en fait, à y aller ? Ben, donc, ça veut dire que, par exemple, on tire au sort au sein de la population. Et par exemple, par exemple, tu pourrais te tirer au sort et on va te proposer... Tu as été tiré au sort pour participer à une assemblée citoyenne qui aurait un réel pouvoir politique, où tu devrais te réunir, etc. Pourquoi ? Parce que vous prendriez les noms et adresses de tous les Bruxellois, c'est ça ? Alors ça, c'est une bonne question. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le pouvoir de faire ça. parce que comme c'est pas institutionnalisé ce qu'on aimerait bien faire, ben on n'a pas accès à toutes ces données. Mais évidemment, et idéalement ce serait le cas, mais aujourd'hui comment nous on va fonctionner, c'est qu'on va fonctionner avec les adresses à Bruxelles, et donc on va envoyer des courriers aux adresses qui sont tirées au sort, et on va également procéder en appelant ces différentes... Mais quelles adresses, ça veut dire quoi les adresses? Donc, par exemple, ici... Votre carnet d'adresses, quoi, c'est ça que tu veux dire? Non, le carnet d'adresses de toute la population bruxelloise. Donc, ça, il faut vraiment bien comprendre que les assemblées citoyennes qu'on veut tirer au sort, ce sera évidemment pas au sein des membres d'Agora. Ce sera au sein de la population bruxelloise. Ça, j'ai compris, parce que tu dis, ça on aimerait bien. Mais ça, c'est génial comme idée. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, d'accord? Tous les Bruxellois, si vous le faites vraiment. Hein. Mais tu dis que c'est pas possible pour le moment. Parce que vous n'avez pas le pouvoir d'avoir toutes ces données, c'est ce que tu viens de dire. Hein. C'est pas exactement ce que je voulais dire en tout cas. Donc évidemment, on va tirer au sort au sein de toute la population bruxelloise, mais si on veut que l'Assemblée soit représentative de la population, donc ça veut dire par exemple qu'il y ait, je crois qu'à Bruxelles il y a 51% de femmes et 49% d'hommes, mais qu'il y ait ces pourcentages-là dans l'Assemblée. Qu'il y ait autant de jeunes en proportion qu'il y a dans la population bruxelloise, etc. etc. Ben, là, on a deux choix qui se proposent à nous. C'est soit on tire au sort parmi toute la population et on oblige les gens tirés au sort à venir, et on fait en échantillon qui soit assez grand que pour que statistiquement il y ait représentativité. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je veux dire, on peut pas faire ça. Donc déjà, je sais même pas si on le voudrait. Donc ça veut dire que si on tire quelqu'un au sort et qu'il n'a pas envie de venir, ben on va sans doute pas le tirer par le col et pour le faire venir à l'Assemblée. Et donc ce qu'on fait, c'est sur base d'acceptation. Donc ça veut dire que la personne tirée au sort doit accepter. Et là, je rebondis directement, c'est que si on s'arrête là, ben en fait on va avoir exactement les mêmes biais qu'avec la politique actuelle. Ça veut dire que c'est qui va accepter? Ben c'est majoritairement les personnes qui ont fait des études, qui ont un certain âge, et majoritairement les hommes et plutôt les... Pas forcément. Pas forcément, parce que sinon, par exemple, je tique sur le fait d'obliger. Je pense que, enfin, après, on va essayer de pas se concentrer sur des choses comme ça. J'aimerais bien, moi, comprendre le projet en entier. Mais forcer les gens à aller, c'est déjà pas une bonne démarche, parce que je pense que dans la démocratie, il y a des gens, ils n'ont pas envie, tu vois. Il y a des gens qui auront envie, même par curiosité, voir ce que c'est, puisque c'est peut-être la première fois, et donc ils feront peut-être ça super bien. Enfin, tu vois, il faut pas avoir d'office des a priori tout de suite, quoi. Non, mais ce que j'ai, c'est pas des a priori sur la capacité des gens ou autre, loin de là. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, faire de la politique, les hommes politiques aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques aujourd'hui, ben, ils décident de faire de la politique sur base volontaire. Et on voit que cette base volontaire, ben, elle n'est pas du tout représentative de la population. Ici, à partir du moment où on tire au sort et qu'on fait uniquement sur base d'acceptation, ben, on s'attend, et il y a déjà des expériences qui ont été menées en ce sens, à avoir de nouveau une surreprésentation des classes plus aisées avec un plus gros bagage culturel, etc. Parce que quelqu'un qui, par exemple, s'intéresse très fort à la politique mais n'est pas politicien, si on lui propose de faire partie d'une assemblée citoyenne, ben il aura a priori plus tendance à accepter que quelqu'un qui ne s'y intéresse pas et qui a un bagage qui est moins important. Et donc c'est pour ça qu'on impose des quotas. Et ça, c'est extrêmement important. C'est qu'on fait sur base acceptative, mais on continue de tirer au sort tant que certains quotas ne sont pas atteints. Et ces quotas, c'est... On en a choisi trois, mais c'est aussi une question de faisabilité. C'est au niveau du genre, donc on veut avoir une représentativité au niveau du genre, donc autant d'hommes que de femmes. Au niveau de l'âge, donc on a divisé ça en trois tranches d'âge, donc 18-35 ans, 35-55 et 55 ou plus. Et au niveau du niveau d'éducation, au niveau de formation, où là on prend le secondaire inférieur ou moins, le secondaire supérieur ou des études supérieures. Et donc ça, le fait qu'on impose des quotas, ben ça va obliger finalement cette assemblée à être représentative de la population bruxelloise selon ces trois critères. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Oui, donc je comprends bien, il y a une assemblée citoyenne, et cette assemblée citoyenne, on veut qu'elle soit le plus représentative évidemment du monde réel. C'est ça en fait, en gros, hein, du monde réel bruxellois. parce que j'ai vu que Agora et ce projet-là étaient vraiment bruxellois. Ça ne se passe pas du tout en Wallonie ni en Flandre pour le moment, c'est ça, hein ? C'est ça. C'est parce que c'est né à Bruxelles. Maintenant, nous, moi, je ne demanderais pas mieux que ça se fasse en région wallonne, en région flamande, que ça se fasse au niveau communal, au niveau européen. Moi, je pense que vraiment, de manière générale, en politique, il faudrait travailler en parallèle avec des élus et des assemblées citoyennes tirées au sort. Et ce qui est très important et que je n'ai peut-être pas dit précédemment, c'est qu'on a envie que cette assemblée tirée au sort, elle ait un pouvoir qui soit législatif. Parce qu'on entend beaucoup d'histoires, et c'est déjà très bien, d'assemblées citoyennes, mais qui ont uniquement un pouvoir consultatif. Quoi la différence alors ? C'est que le pouvoir consultatif, ça veut dire que les élus vont uniquement consulter l'avis des citoyens et après ils en font ce qu'ils veulent. Et donc par exemple, il y a un exemple qui est assez connu, c'est en Islande où ils ont réformé toute la constitution de manière absolument remarquable. Donc où ça leur a... Enfin, il y a eu des dizaines de réunions pour faire ça avec des centaines de citoyens. Et finalement, le gouvernement a juste dit « Ah, mais c'est très bien ce que vous avez fait, mais voilà, quoi. » Ça s'arrête là. Et donc, nous, on a envie de donner à ces citoyens un pouvoir législatif. Et législatif, ça veut dire qu'ils pourront décider des lois qui seront votées, dans ce cas-ci, en région de Bruxelles-Capitale. Maintenant, si ça se fait à l'échelle européenne, ce sera en Europe ou au niveau communal, dans la commune en question. Et donc, nous... Là, je n'ai pas encore vraiment parlé de la stratégie un peu plus technique d'Agora, mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire que la vision, on va dire, d'Agora, sur le long terme, ce serait donc que des élus travaillent ensemble et qu'en parallèle, il y ait des assemblées citoyennes tirées au sort représentatives de la population considérée et qu'il y ait un réel pouvoir législatif. Ok, je résume pour voir si j'ai bien compris. L'assemblée citoyenne, je l'ai déjà dit, hein, il faut qu'elle soit la plus représentative possible. Moi, ce que je comprends moins, c'est les élus, les représentants, du coup. C'est un drôle de système que vous proposez, parce que c'est pas que vous êtes contre la représentation. Vous vous gardez quand même la représentation, vous travaillez pour quelqu'un. Pas du tout. Allez, à vous. À vous. Non, vraiment pas du tout. Je pense vraiment que nous, on milite pour un pluralisme des systèmes en politique. Je veux dire, je pense que avoir le système actuellement... Ça veut dire quoi, un pluralisme des systèmes politiques ? Ça veut dire qu'actuellement, on a uniquement un système représentatif, avec des représentants, pardon, qui sont élus par des électeurs. On n'a que ça aujourd'hui. Je pense... A contrario, que si jamais on avait un système où tout fonctionnerait par tirage au sort, il y aurait aussi des problèmes. Nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de compléter le système actuel par un système où des citoyens ont un pouvoir législatif et ces citoyens sont représentatifs de la population. Mais par exemple, les représentants, ils sont d'office aussi partis alors pour 4-5 ans, quoi. C'est ça. Vous ne changez pas les règles fondamentalement pas. Vous ne changez pas les règles fondamentales de ce système dans lequel nous sommes. Vous souhaitez, ce qui est déjà pas mal, hein, je trouve, une vraie, parce qu'une plus grande... Tu sais, il y a les réseaux sociaux où tout le monde peut donner son avis. Où, vous souhaitez que les gens... s'imprègnent plus de cette notion de politique et donnent leur avis et soient plus représentés, parce que pour le moment... Les gens de la politique sont déconnectés de la réalité. C'est ça que vous souhaiteriez, en fait. Vous souhaiteriez rejoindre ces deux pôles, quoi. C'est ça ? Tout à fait. Et donc, je pense que t'as assez bien résumé la situation. Je pense que ce qu'on veut combattre aussi, et c'est vraiment quelque chose qui est central dans ce qu'on veut faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai désenchantement de la politique. Donc, ça veut dire que je pense pas que les gens s'intéressent moins à la politique qu'avant, au contraire. Mais par contre, ils croient de moins en moins au pouvoir de chacun de faire changer les choses. Et... Le pouvoir de chacun, moi je dirais, je dirais plutôt qu'ils sont désenchantés par tout ce qu'on entend des professionnels de la politique. Parce que soyons lucides aussi, c'est pas moi qui le dis, il y a vraiment plein d'arnaques aussi. Je veux dire, tout cet argent public est détourné, il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Donc moi je comprends tout à fait les gens qui se désinvestissent de cette politique-là. Par contre, quand on parle des gilets jaunes, parce qu'on ne peut pas y échapper non plus, c'est moins fort en Belgique, mais en France, c'est balèze. Et je suis très près, donc je n'écoute pas non plus les médias mainstream ou dominants. Je vais vraiment chercher... Je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Ils se réapproprient clairement la politique. C'est magnifique à voir. Tout à fait, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ils ont des revendications qui vont vraiment dans ce sens-là. Quand on parle de référendum d'initiative citoyenne, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on propose, mais maintenant, c'est aussi essayer de redonner du pouvoir politique aux gens et un pouvoir qui soit plus direct. Donc là, on a un pouvoir qui est extrêmement indirect en allant voter pour des élus qui décideront à notre place. Et je pense que, effectivement, les gens sont désenchantés peut-être par leur propre pouvoir, mais surtout par... Le pouvoir finalement de l'élu ou surtout la relation entre l'élu et le citoyen est complètement rompue. Moi je trouve ça intéressant parce que justement toi c'est bien de se confronter un peu. Moi en fait je pense que tous les partis qui sont là, tout ça c'est de l'arnaque. En fait on n'a pas besoin de représentants pour moi, tu vois. Le système Agora il serait génial, après c'est pas du tout ce que vous proposez et il faut pas... mélanger les pinceaux, mais comprends, moi, ma position, c'est pas exactement la même. On n'a pas besoin de représentants, en fait. On peut très bien s'organiser autrement, sans avoir une tête au-dessus, ou alors pendant un temps, si ça va pas, hop, elle dégage. Enfin, tu vois, ce serait vachement... Voilà, et j'avais envie de te poser une question. En plus, c'est... Tu crois pas, en fait, que le monde dans lequel nous sommes, ça fait... Il n'y a pas une réelle volonté de changer la donne, parce que sinon ce serait déjà fait depuis longtemps. T'imagines, depuis le temps qu'on parle de politique, depuis le temps qu'on... Est-ce que tu sens pas comme ça, pour donner ta vision, qu'il y a quand même une volonté de garder le pouvoir, de mettre une élite en place, parce qu'en fait c'est quand même vachement intéressant qu'une petite minorité décide sur le sort de tout, tu vois. C'est intéressant pour qui? Bah pour eux-mêmes, puisqu'ils peuvent s'en mettre plein les poches, tu vois. Et le peuple, en fait, on va l'appeler comme ça, hein, le peuple, lui, il se casse moins la tête, il dit « Oh, on pense pour nous, ça nous arrange bien. » Bon, bah là, ils se rendent compte qu'il faut arrêter de... Enfin, tu vois, des deux côtés, il y a aussi des reproches, hein, c'est pas ça, mais je trouve que le système, tu vois, de mettre un roi ou de mettre des représentants, je trouve que c'est bidon, voilà. Mais déjà c'est très intéressant que tu dis ça. Moi je pense que de manière générale il faut quand même avoir il y a toute une série de débats politiques ou d'affaires politiques qui ont une certaine continuité dans le temps, et je crois que c'est quand même important que des gens y consacrent une grande partie de leur temps, et que ce soit par exemple des élus. Mais maintenant j'aimerais vraiment bien revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure en disant que finalement c'était quelque chose qui arrangeait bien une certaine partie des gens, que le monde soit dominé par que la politique soit dominée par une toute petite partie, une petite oligarchie, on va dire. Et je pense que, en fait, ce qu'on essaie de faire avec Agora, c'est effectivement, ces gens n'ont aucune raison de vouloir que le citoyen ait plus de pouvoir. Parce qu'à partir du moment où le citoyen a plus de pouvoir, ça correspond au fait qu'eux en auraient moins. Et donc, c'est pour ça que il est très compliqué de trouver des moyens d'action pour arriver à notre vision, qui est que des citoyens aient beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Et on ne va pas, entre guillemets, aller toquer chez les politiques et dire « Est-ce que vous voudrez bien avoir moins de pouvoir et en laisser beaucoup plus aux citoyens ?» C'est compliqué. Et c'est pour ça que les choses ont du mal à bouger, je pense. Tu veux dire que c'est compliqué dans votre projet ? Justement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de contourner ça d'une certaine manière. Et en fait, on fait un peu la technique du cheval de Troie. Donc ça veut dire que nous, là, on se présente aux élections en mai 2019, aux élections régionales en région de Bruxelles-Capitale. Et si on a un élu, donc si on a un parlementaire qui est élu, il va siéger au Parlement et il ne sera que le porte-parole d'une assemblée citoyenne tirée au sort. Donc ça veut dire que même si les parlementaires, ils n'ont pas envie de nous, entre guillemets, même si les politiciens, ils n'ont pas envie de nous, à travers... cette sorte de cheval de Troie qui cachera en son sein toute une série de citoyens, la parole des citoyens non seulement sera entendue au Parlement, donc il y aura un pouvoir qui sera consultatif, mais en plus on a un parlementaire qui aura une certaine voix et donc qui va conférer à cette assemblée citoyenne un pouvoir qui sera aussi législatif. Et donc c'est une manière, entre guillemets, de contourner le système Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment promouvoir l'institutionnalisation d'assemblées citoyennes tirées au sort, donc que ce soit institutionnalisé, donc que ce soit entre guillemets dans la loi, qu'il y ait... Et voilà. Et en fait, le fait de se présenter aux élections, c'est un outil qui serait extrêmement efficace pour arriver à promouvoir ça. Parce que le faire complètement en dehors du jeu politique, c'est vraiment un choix qu'on a fait. On s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de pouvoir pour essayer d'institutionnaliser ce type de démarche? On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas quelqu'un au Parlement qui, lui, aurait un vrai pouvoir, qui... Mais là, je ne comprends pas quand tu dis on mettrait quelqu'un au Parlement. Là, je ne suis pas à la pensée. C'est quoi quelqu'un de l'Assemblée citoyenne? Quelqu'un qui est déjà membre des autres partis? Là, je ne comprends pas, en fait. Quelqu'un pour qui on a voté au mois de mai 2019? C'est une bonne question de nouveau. Merci. finalement, on va dire, les règles du jeu, elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, on devait essayer de trouver quelque chose qui rentre dans les règles du jeu tout en essayant d'apporter un maximum d'éléments qu'on voulait apporter. Et donc, le fait est qu'à partir du moment où on se présente aux élections, on doit présenter une liste aux élections. Et une liste? Une liste une liste de notre, entre guillemets, parti politique, même si on ne se revendique pas étant un parti. C'est pas un parti, c'est un mouvement. C'est pas un parti, mais à partir du moment où un mouvement, un parti, qu'importe comment vous l'appelez, se présente aux élections, il doit remettre une liste d'éventuels élus. Et le truc, c'est que nous, on a fait ça au sein de l'Agora, donc on a une liste de 17 personnes, je pense que c'était le minimum qu'on pouvait mettre, qui sont sur les listes électorales, et une personne de cette liste, sera éventuellement au Parlement, ou voire plusieurs personnes. Donc si par exemple on a un siège, une personne de cette liste sera au Parlement. Et donc c'est ça que je dis quand je dis une personne pourrait siéger au Parlement, ce serait une personne de cette liste, mais à partir du moment où c'est des personnes d'Agora et on combat depuis des mois et des mois pour avoir ce type de système qui soit mis en place, cette personne s'engage à être uniquement le porte-parole d'Assemblée citoyenne tirée au sort. Donc ça veut dire que si jamais l'Assemblée citoyenne prend toute une série de décisions sur des thématiques de la région de Bruxelles-Capitale, notre éventuel élu va relayer ces différentes idées au sein du Parlement et va voter pour les différentes lois que les citoyens ont décidées. Si cette personne a assez de votes pour aller au Parlement, c'est ça hein, c'est... Donc là, c'est pour ça que on se présente aux élections et on espère, on a même bon espoir d'avoir un élu. Donc il nous faudrait 3300 voix. Pas plus. Non, pas plus. En fait, pas plus parce qu'on avait le choix entre se mettre sur les listes francophones ou les listes néerlandophones. Quand même n'importe quel Bruxellois peut voter pour n'importe quelle liste. Et sur les listes néerlandophones, il nous faut 3300 voix. Et sur les listes francophones, il nous en fallait 20 000. Et donc 20 000, je pense pas qu'on y sera arrivé. Enfin, on peut rêver, mais en tout cas, stratégiquement, c'était beaucoup plus malin de se mettre sur les listes néerlandophones. Où là, avec 3300 voix, on peut avoir un siège. Et donc, à partir du moment où on a un élu, ce sera a priori la personne qui a été de liste sur nos listes, cette personne ne serait qu'un porte-parole d'Assemblée citoyenne, ce qui conférerait à des citoyens tirés au sort représentatifs de la population bruxelloise en réel pouvoir. Et ça, c'est tout à fait inédit dans la politique belge et même européenne, on va dire, de faire cette stratégie-là. Mais pourquoi ils auraient un plus de pouvoir? Là, je n'ai pas capté. Ok. Imagine, en soi, une assemblée citoyenne représentative de la population, si on lui donne un peu les moyens de le faire, on pourrait le faire déjà maintenant, on pourrait le faire l'année prochaine sans élu. Et donc, qu'est-ce que ça aurait comme pouvoir? Ça aurait que, moi, par exemple, j'irais dire aux parlementaires, les citoyens ont décidé de faire ci et ça, et ça aurait uniquement un pouvoir qui serait consultatif. Alors qu'à partir du moment où on a un parlementaire qui va relayer cette parole, cette parole sera beaucoup plus relayée au sein du Parlement. Donc on aura un pouvoir consultatif, mais qui sera a priori beaucoup plus puissant parce qu'on aura des moyens médiatiques et autres pour la mettre en valeur. Et à côté de ça, on aura aussi un pouvoir législatif. Et quand bien même il sera relativement faible au départ, mais c'est très important de mettre entre guillemets le pied dans la porte, comme on dit. Et je veux dire, à partir du moment où on a mis le pied dans la porte, on va montrer que ça fonctionne, on va montrer que ces citoyens, ben, ils sont tout à fait capables de prendre toute une série de décisions politiques, et on aimerait bien que ça mène à un pouvoir citoyen qui soit de plus en plus grand, jusqu'à une institutionnalisation de ces assemblées en politique bruxelloise ou autre. J'ai compris. Écoute, et en soi, je trouve que le projet... Mais de toute façon, c'est toujours intéressant de donner plus de pouvoir aux gens. Hein. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais après, qu'est-ce qui... Après, tu sais, je chipote, mais c'est sûr. Mais qu'est-ce qui prouverait que ce que les gens disent soit réellement mis en place? Parce qu'aujourd'hui aussi, on voit par exemple que les lois qui sont écrites... Des fois, elles sont discutées, on dit ça y est, bings, la loi est faite, et entre la loi et la pratique, enfin, tu vois, tout ça est bien compliqué aussi pour que ce soit pas. Tout ça est bien compliqué pour que ce ne soit pas simple. J'adore la phrase que je viens de dire. Tu vois un peu. Tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a une grosse opacité, on va dire, au niveau des lois, de l'exécutif, de tout ce qui se passe, on va dire, au Parlement, que ça pourrait être bruxellois ou autre. Et là, justement, ben, notre force, c'est qu'a priori, on aura quelqu'un qui travaillera à plein temps au Parlement et donc qui aura accès à tout à tous ces trucs-là. Je pense déjà que, qui sera là pour justement défendre l'intérêt des citoyens là-dedans. Oui, c'est voilà, moi j'ai compris, c'est une idée pas mal. Hein. Après, oui, c'est gros. Je trouve que ça devrait être transversal et horizontal. Ça veut pas dire pour moi qu'il n'y a pas de chef, tu vois. T'es chef dans ton domaine à un moment donné, puis après c'est quelqu'un d'autre, et puis après on change. Ce qu'il y a, c'est que maintenant t'as l'impression, par exemple, que t'as le pouvoir politique et que c'est une grosse machine de guerre, que tu comprends plus rien et que si tu bouges à ça, ça va être très compliqué. D'ailleurs, c'est fait pour. Hein. Enfin, voilà, je crois que je l'ai déjà dit, mais... C'est pas simplement, oui, il y a les citoyens qui ont envie d'être entendus. Après, comment ils y arrivent? Là, vous donnez une piste, ce qui est vraiment intéressant. Mais après, c'est encore la mécanique après. Parce que paraît-il, au départ, on dit qu'il y a des élus, des représentants qui sont de bonne composition, qui veulent vraiment changer le monde. Et après, ils se font pourrir par le pouvoir et par cette structure folle, quoi. Ouais, mais c'est... T'as assez bien résumé ce qu'on pense et des problèmes qu'on a identifiés. C'est que le problème, il est systémique. Moi, je suis persuadé qu'il y a peut-être des mauvaises personnes en politique, mais je suis persuadé qu'il y en a aussi des très bien et qui aimeraient vraiment bien faire changer les choses. Mais il y a vraiment quelque chose dans le système aujourd'hui qui fait que c'est très compliqué de faire une politique à long terme qui soit juste, etc. Et donc, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment ça. Et donc, au début, avec nos moyens, on essaye de mettre le pied dans la porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en espérant que, avec avec toute la couverture médiatique qu'on pourra avoir à travers un élu, etc., ben non seulement qu'on fasse bouger les choses au sein des différents parlementaires, mais aussi qu'on montre aux citoyens que la voix de leur père n'est pas forcément entendue. Et que, quand bien même on la relaye au Parlement, etc., ben elle n'est pas entendue, et pour vraiment faire vraiment une prise de conscience citoyenne du fait que ben, ils n'ont pas un pouvoir qui est assez, assez important, et je pense que c'est une bonne manière de le faire. Maintenant, moi, je suis pas du tout con... Enfin, je pense pas que c'est l'unique et seule solution. Je pense que ça doit venir de tous les niveaux. Ici, on propose une sorte de méthode un peu top-down, où on va essayer de s'insérer dans les organes de pouvoir pour donner plus d'importance aux citoyens. Maintenant, et là, je parle d'un point de vue personnel en tant que Jean, mais je pense que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, etc., c'est aussi des actions qui sont vraiment importantes et qu'il faut aussi descendre dans les rues, il faut aussi avoir une approche un peu bottom-up de l'histoire et que... c'est juste du bas vers le haut, quoi, ou bien du haut vers le bas, pardon. Et que c'est important. Nous, maintenant, on propose une approche, je pense, qui est relativement originale pour essayer justement de s'immiscer et finalement d'introduire le citoyen dans des débats dans lesquels, a priori, il n'a jamais son mot à dire. Et ça, et je pense que c'est vraiment super important à toute une série de niveaux. Ouais, et en fait, je suis persuadé que Il y a énormément de problématiques qu'on peut soulever aujourd'hui. Il y a énormément de thématiques politiques desquelles je suis vraiment super intéressé, etc. Et je suis persuadé qu'à partir du moment où on n'aura pas une réforme démocratique, on n'arrivera pas à résoudre ces différentes problématiques. Je pense que c'est vraiment tellement à la base de ce qu'on veut. Enfin, c'est tellement à la base de tous les autres problèmes. On va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour qu'on comprenne, parce que. Ben, par exemple, tout à l'heure, tu disais il faudrait aussi, par exemple, que les politiciens ne se soient pas des dinosaures qui sont là depuis des années, etc. Mais tout ça, c'est des lois qui pourraient être votées. On pourrait voter des lois qui réduisent le mandat des politiciens, qui obligent les politiciens à ne pas pouvoir avoir différents postes en même temps, etc. Mais aujourd'hui, c'est qui vote ces lois ? C'est les politiciens. À partir du moment où on réforme le système de manière à ce que des gens qui ne soient pas des élus aient leur mot à dire, ben on arrivera à toute une série de changements. Et je pense que la force des assemblées citoyennes, c'est qu'on passe d'un moment où on est gouverné à un moment où on est gouvernant pour de nouveau être gouverné. Et donc ça enlève tous les biais de la politique actuelle qui est très professionnelle. Et a priori, ça va entraîner des changements structuraux qui seront, je pense, plus intéressants dans le but d'avoir un avenir qui soit meilleur. Quoi. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est un beau projet. Voilà, à la base, tu vois, c'est un beau projet. Enfin, vous essayez de rentrer dans la machine, quoi. Pas vous tout seul, les gens, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer cette histoire. Je ne sais pas si tu es d'accord. Il opine de la tête, il dit oui, Jean. Et par exemple, en parallèle, pour discuter encore un petit peu, on a encore un petit peu de temps, les Gilets jaunes, eux, ils ne veulent pas de représentants. Ils ne veulent plus de représentants. Et donc, ça a posé problème aussi dans le mouvement, parce qu'il y en a qui étaient prêts à se présenter aux européennes, et il y a eu des conflits. Ils sont vraiment dégoûtés, quoi. Donc, je me demandais, toi, ton avis, tiens, mais comment ils vont faire, ces gens pour transformer la donne. D'ailleurs, ce soir, il y a Macron qui va donner, t'es au courant, hein, qui va donner à 18h, ça y est, c'est son avis sur les choses qui se passent en France, quoi, avec les gilets. Ok. Donc, pour revenir sur ta remarque sur les gilets jaunes, etc., ben, je pense que, en fait, au sein d'Agora, on n'a pas de représentants d'Agora. Nous, ce qu'on aura, c'est un représentant d'assemblées citoyennes tirées au sort, mais ces assemblées citoyennes tirées au sort, ce n'est pas des membres d'Agora. C'est vraiment des membres de Bruxelles, j'allais dire, on va dire des habitants de Bruxelles qui sont représentatifs de la population. Et moi, j'aimerais bien dire, en fait, on va, sur le siège du parlementaire en question, on va aller faire s'asseoir sur les genoux 89 citoyens, mais c'est juste que c'est pas possible. C'est nouveau, on essaye dans un premier temps de fonctionner avec les lois qui sont en place, et c'est vraiment, moi je trouve que la métaphore est belle et représente bien ce qu'on veut faire, c'est le truc du cheval de Troie, quoi, où vraiment on va avoir un représentant d'assemblée citoyenne qui fera partie d'Agora, parce qu'on doit bien faire une liste électorale, mais au sein d'Agora, on n'a pas de hiérarchie. Je pourrais pas te dire, je sais pas ce que je vais dire, parce que mon chef va me dire quoi que ce soit. Quelquefois, je parle en tant que Jean, parce qu'on n'a pas envie de prendre des positions politiques claires sur les différents sujets, parce que nous, on estime que la politique, c'est pas nous qui allons la faire, c'est les citoyens. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste essayer de réformer le système de manière à ce qu'il donne plus de voix aux citoyens. Et par exemple, pour la liste, et on va terminer, hein, pour la liste, donc il va y avoir les européennes, mais ça on s'en fout, bien que c'est un gros sujet aussi ça. Et donc le fédéral ici et régional. Et donc, vous, c'est juste le régional, hein, donc c'est juste sur Bruxelles, donc c'est juste les Bruxellois qui peuvent voter. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais. Comment ils s'y prennent alors, si ça s'appelle comment votre liste Agora? Ouais. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a aussi plein de choses à faire au niveau fédéral, au niveau européen, etc. Mais je veux dire, c'est déjà un sacré projet de s'attaquer au fédéral, croyez-moi. Et effectivement, on sera la liste 22, donc au régional, en région de Bruxelles-Capitale, Agora. Et donc voilà, je pense que Je pense qu'on a rencontré toute une série de partis politiques avant de se dire qu'on allait être en parti nous-mêmes, enfin qu'on allait se présenter aux élections. Et en fait, on a eu des échos qui étaient assez pauvres quant à l'idée d'introduire des assemblées citoyennes tirées au sort en politique. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, l'appui, on ne va pas l'avoir au sein des partis actuels, quand bien même il y a des partis qui se revendiquent comme étant, comme voulant changer le système, etc. Et donc on s'est dit, en fait, la seule manière qu'on aura de promouvoir ce type d'initiative, c'est nous, en nous présentant aux élections, et c'est ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que je vous ai un petit peu convaincu et que vous allez voter pour Agora. Écoute, comme en Belgique, on est forcé de voter, je trouve, moi je vote pour vous, quoi. Enfin, tu vois, avec tout le paysage là, qui est, moi j'y crois pas. C'est bon, quoi, tu vois. Il y a quoi ? Il y a le MR, le CDH, il y a Écolo, il y a PS. Et donc il y a Agora. Bon, allez, je dis ça pour rigoler, mais en même temps, c'est vrai, on est obligé de voter. Donc j'avais envie de dire, vite terminer. Mais quoi ? Si j'ai bien compris à ce que tu disais là maintenant, ta dernière phrase, c'est les autres partis vous n'ont pas cru en vous ? C'est ça que t'as dit un peu ? Ils ne croient pas ou alors ils veulent se réapproprier ou... Bah en fait, donc notre première démarche, donc comme je dis, notre but, nous, à la base, c'est d'essayer de promouvoir l'institutionnalisation de ces assemblées tirées au sort. Et donc, notre première idée, c'était de se dire, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de greffer notre idée à un parti ? Parce que c'est des organismes qui ont un certain pouvoir, etc. On a fait tout un sondage au sein de ces différents partis, et le sondage n'était pas du tout satisfaisant quant à la possibilité de le faire. Et donc, on s'est dit, à partir du moment où on n'a pas cet appui-là, on va essayer nous-mêmes de le faire. Et finalement, voter aujourd'hui, on n'a pas de slogan ou autre, mais je pense qu'un citoyen qui vote pour Agora aujourd'hui, il vote pour lui, parce qu'a priori, on essaiera de faire entendre la voix des citoyens directement sans nous prendre. Et nous, on ne prendra aucune décision en tant qu'Agora. Nous, on n'est pas là pour prendre des décisions, on est là pour laisser le citoyen en avoir. J'espère bien, parce que ça peut tourner la tête aussi, tout ça, le pouvoir et tout, à voir la suite. Mais c'est un beau projet. Merci Jean. Il y a un site internet aussi, on peut aller checker, Agora, c'est quoi ? C'est agora.brussels, donc www.agora.brussels. Il y a toute une série d'informations et il y a aussi notre page Facebook, Agora Brussels. Et donc voilà, je vous encourage. Il y a aussi Instagram, etc. T'as envie de terminer par des mots rien qu'à toi Est-ce que tu as envie de dire terminer rien que par ça ? C'est quelque chose que j'aurais pas posé comme question, avec toi que tu aimes bien dire, je ne sais pas. Ouais, je peux terminer sur... d'un point de vue personnel, en tout cas, c'est un sujet qui m'apporte énormément. Je crois que c'est vraiment hyper enrichissant de s'intéresser finalement à la vie politique, à la vie du citoyen et à comment est-ce qu'on pourrait donner plus de pouvoir aux citoyens. Et je crois que la démocratie, c'est un projet qui est magnifique, qui est assez abstrait et qu'on essaye de mettre en place et c'est voilà, j'encourage tout le monde à essayer de s'intéresser à ce type de thématique parce que c'est non seulement beau mais c'est surtout essentiel pour le futur de notre société, je pense. Et alors moi je fais une petite parenthèse, je précise bien que dans ce micro ouvert on n'a pas développé quel monde on souhaiterait ou on rêverait, hein. On a plutôt développé la mécanique du pouvoir avec la parole plus aux citoyens, aux gens de la rue, au peuple, je ne sais pas. Donc on a développé ça, c'est ça que Agora propose. Hein. C'est pas une vision du monde, parce que vous rentrez pas dans un vif du sujet où on dit on est pour, on est contre, c'est pas ça que vous proposez. Hein. C'est vraiment la mécanique du pouvoir que vous voulez, dans laquelle vous voulez rentrer en donnant la parole aux gens, quoi, voilà. Hein ? Tout à fait. Donc, par exemple, je donne vite un petit exemple pour finir. On parle beaucoup du climat aujourd'hui, à raison, je pense. Par exemple, nous, on se situe pas sur l'échiquier politique par rapport à ça, mais je pense juste qu'à partir du moment où les jeunes sont complètement sous-représentés en politique aujourd'hui et qu'on voit le nombre de jeunes incroyables qu'il y a pour les marches pour le climat, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises à ce sujet-là ? Je pense que voilà, le problème est systémique, en tout cas en grande partie. Merci Jean.